Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. Samedi 3 novembre, 20h, le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite des excavations à Savard de la Côte-Nord au complexe sportif du secteur de Dolbeau. Prix du billet, seulement 8$. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Go Multi Go! On va parler de soccer. L'Impact de Montréal tenait son bilan hier. Un bilan quand même, une saison quand même qui s'est passée en deux temps. Quoi qu'il en soit, on va en parler avec notre collaborateur régulier, Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com. Salut Benoît. Salut dans Radio Sport. Et on est très content d'avoir ce matin ou ce midi Jérémy Filosa du 98.5, le descripteur radiophonique de l'Impact de Montréal. Salut, salut Jérémy. Salut les gars. Jérémy, d'abord on va commencer par toi. Une saison en deux temps, je te dirais. Le début de saison a été très très difficile. Par contre, par la suite, ça quand même assez bien fini dans les circonstances quand même. Mais tu sais, on dit tout le temps, peu importe le sport professionnel, en début de saison, tu gagnes pas des championnats en début de saison, mais tu peux perdre des championnats ou une place en séminatoire en début de saison. Puis cet adage-là avec l'Impact, assez bien porté cette année-là. Ouais, ben écoute, moi j'étais présent au camp d'entraînement en Floride, puis bien honnêtement, ça se dessinait comme ça. Là. Je me souviens des points de presse de Rémi Garde au quotidien qui nous disait « J'ai besoin de tel joueur, j'aurais besoin de telle affaire, puis tel joueur, c'est pas mon affaire, puis tel joueur n'est pas dans mes plans. » Puis on pouvait voir là qu'il y avait un signal d'alerte de son côté, qu'il savait très bien qu'il lui manquait plusieurs éléments pour être capable de bien commencer l'année. Non seulement ça, mais il y a aussi une période d'adaptation entre lui et les joueurs. Plusieurs joueurs m'ont dit qu'en début de saison, ils ne comprenaient pas trop exactement ce que Rémi Garde essayait de leur faire comprendre en termes de système de jeu. Et c'est un peu ça qui arrive quand tu changes d'entraîneur, mais surtout tu amènes un entraîneur de l'Europe dans ce cas-ci qui doit tout apprendre sur le tas, les rouages, la convention collective, comment fonctionnent les contrats des joueurs et tout ça. Donc, lui, arrivé ici là, avec zéro information à ce niveau-là, il a dû tout apprendre sur le tas. Et en plus, il est arrivé à Montréal seulement après la première semaine du mois de janvier. Donc, il y a eu deux semaines là, pratiquement pour commencer à se préparer pour ce camp d'entraînement. Donc, tout a commencé malheureusement là, en retard pour l'Impact. Et c'est pour ça que ça a mené à ce mauvais début de saison. Benoît, est-ce que le fait que le soccer européen, on en a parlé souvent avec toi, que le soccer européen puis le soccer de la MLS, c'est pas le même genre de soccer aussi. Lui, Rémi Garde, il y avait une adaptation à faire. On parle d'un soccer beaucoup plus physique là, en MLS qu'en Europe. Là. Ben oui, ben c'est comme Jérémy, M. Filosa dit, il y avait une adaptation à faire quand même, les apprentissages, comme il vient de mentionner. Mais oui, il y a une différence entre le soccer européen puis le soccer de la MLS au niveau physique, comme tu viens de le mentionner. Mais on a bien vu en fin de saison le manque de profondeur de l'Impact. Quand tu dis qu'en dernier match de saison, l'Impact est en force pour peut-être faire les éliminatoires et on a fait qu'un changement finalement. Ben, Jérémy l'a mentionné souvent, j'écoute souvent ça. Les fins d'émissions qu'ils font sur Facebook. Et comment de fois dans l'année, Jérémy, vous avez mentionné avec Arcadio les changements. On va se rappeler au début, là, il y avait un changement, il y avait deux changements. Jamais le troisième arrivait. C'est arrivé à plusieurs reprises. L'histoire de Jackson Hamel, j'ai vu ce matin à la télévision justement que gardait une porte ouverte pour Jackson Hamel, mais comment ça va se tramer tout ça? Alors, c'est à voir un peu, mais c'est différent de la MLS, puis le... Puis le soccer européen, le football européen, c'est bien certain. Est-ce que Jimmy Briand... Juste faire une petite insertion dans le cas de Jackson, parce que j'ai entendu Rémi Garde ce matin avec un collègue à la radio anglophone ici à Montréal, qui a bien expliqué que c'est vrai qu'il ne ferme pas totalement la porte à Jackson, mais c'est pas parce qu'il veut le revoir, c'est parce qu'il n'est pas certain de pouvoir trouver un commun accord à savoir où est-ce qu'on peut l'envoyer. Donc, si jamais on n'est pas capable de trouver une équipe pour un prêt, un transfert ou une transaction, ben, c'est pas impossible que Jackson revienne, mais c'est pas nécessairement parce que Garde veut le revoir. mais parce que le joueur est sous contrat et on n'aura pas le choix de le réinviter. OK. Est-ce que si Jimmy Briand aurait été dans l'équipe, parce que ça aurait changé les choses certainement, hein? Parce que ce qui a manqué à l'Impact cette année, c'est le manque de, je te dirais, le manque de but, hein? Manquer un attaquant de pointe, vraiment. Ah, c'est certain. Puis quand on regarde le fait que tous les attaquants de l'Impact de Montréal, les attaquants de pointe, ils ont totalisé seulement 6 buts cette année. C'est extrêmement mince. Ça peut demander comment l'Impact a fait pour se rendre jusqu'au dernier match de l'année, toujours dans la course aux séries. Jimmy Briand aurait beaucoup aidé. Et je ne sais pas s'il y aurait eu le même effet qu'a eu Wayne Rooney avec DC United, mais assurément que l'Impact aurait accroché les points nécessaires pour se qualifier en série. Selon moi, ils auraient fini devant Columbus, devant peut-être même Philadelphie. Mais moi, ce qui m'a agacé le plus dans ce dossier-là, premièrement, c'était inacceptable d'échapper ce dossier-là, la façon dont ça s'est fait. Mais parce que après l'échec Jimmy Briand, l'Impact avait 6 semaines encore pour se trouver un attaquant. Et tout de suite après la date limite des transactions de la MLS, Adam Brass nous a dit, même s'il reste 3 semaines à la fin des transferts, nous, c'est terminé. On a fini notre magasinage. Mais voyons donc, il reste encore 3 semaines. Moi, je suis le directeur général de cette équipe, le directeur technique. Je me casse la tête pour essayer de trouver une solution parce que je sais que je suis dans une course aux séries. Puis je sais qu'un attaquant peut faire toute la différence. Et pour moi, j'ai trouvé ça inacceptable de voir que Dieu va plier les livres. Puis ils se sont dit, bon, on va finir l'année avec ça, puis on verra après. En tant que partisan, c'est pas une réponse qui est acceptable. Le mercato des divers, Benoît, c'est parce que là on parle d'un attaquant de pointe, on parle également d'un milieu de terrain, sauf que le mercato d'hiver, c'est pas le mercato le plus idéal, autrement dit là. Non, mais c'est pas l'idéal, mais malgré ça, Danny, qu'est-ce qui va arriver, c'est que le joueur européen va arriver en fin de saison européenne, ouais. Donc ça arrive en mois d'avril, mois de mai, c'est ça qui se passe un peu. On a vu avec Rooney, l'arrivée de Rooney, c'est ça qui est arrivé. Mais moi, je tiens quand même pour le mentionner, c'est quoi que la direction de l'Impact vise avec tout ça aussi. On a dit que on voulait une cure de rajeunissement, fait qu'on s'est pas trop balancé. Rémi Garde est arrivé, on a des jeunes qui ont plus leur place, non nécessairement avec l'Impact, les jeunes Québécois de l'Académie, comment est-ce que le futur va amener ça. On parlait d'une cure de rajeunissement dans une année de transition. Et quand on regarde, ils ont pas eu le choix. Regarde la défensive avec Fanny et Sania, des gars de 35-36 ans. Quel est maintenant, probablement que la philosophie de Rémi Garde est pas celle que Joey Saputo avait avec non plus Adam Braz en début de saison, alors qu'on parlait de jeunes. C'est pas ce qu'on va voir là, non, nécessairement. J'espère qu'on va signer Fanny et Sania pour une autre saison parce que je pense qu'on a besoin d'une ligne. On a bien beau parler d'un attaquant de pointe, mais il faut garder notre brigade défensive aussi. Et aussi, au niveau du gardien Bush, écoute, il a connu toute une saison. Mais en tout cas, moi, je pense que l'Impact a passé proche de faire les séries malgré une saison de transition. C'est le côté positif de la chose. Philo, je t'entendais au 98.5. Non, hier, il n'y avait pas d'émission parce que c'était les amateurs de sport. Il y avait un match canadien, mais plutôt mercredi, dire qu'Evan Bush, les négociations allaient bon train avec Evan Bush. C'est une bonne nouvelle, compte tenu que le gars vient de Cincinnati. L'an prochain, Cincinnati rentre dans la MLS. Lui, il aurait été tenté de devenir joueur autonome puis aller jouer à Cincinnati. Là. Puis ça a l'air qu'il y a beaucoup de... En fait, il vient de Cleveland. C'est une autre ville qui est dans l'Ohio, mais c'est pas nécessairement Cincinnati. Il y a quand même une bonne distance entre les deux. Mais moi, je peux, pour avoir côtoyé Evan Bush depuis longtemps, parce que Evan Bush, c'est le joueur qui a le plus d'ancienneté présentement chez l'Impact de Montréal. Lui, il est là depuis les années de la NASL avec l'Impact. Ouais. Donc, là, lui, là, depuis 100 ans, il s'est marié, il a eu des enfants. Ses enfants vont à l'école française ici, à Montréal. Donc, il est bien ici. Moi, il me l'a dit souvent que sa priorité numéro un, c'est de rester avec l'Impact. C'est sûr qu'avec Cincinnati qui rentre dans la Ligue, il aurait peut-être eu là une opportunité d'effectuer une transaction parce que Jack Stern, l'ancien entraîneur des gardiens de l'Impact, qui est rendu, lui, à Cincinnati. C'est sûr que le débat, ben, on en parle depuis plusieurs semaines parce que Crépeau a été tellement bon à Ottawa qu'on se dit, bon, ben là, à un moment donné, il va falloir lui donner une chance aussi. Puis Evan Bush, là, on s'entend, là, il ne gagnera pas 150 000 l'année prochaine. Ça va être le double, voire le triple du salaire. On verra ce que ça va donner. Mais Rémi Garde a tellement aimé la saison d'Evan Bush et son évolution sur Joël Batts, qu'il l'a dit hier en point de presse. Moi, je veux garder Evan Bush. Je veux qu'il soit mon numéro un la saison prochaine. Donc, quand tu as deux clans qui s'en vont dans la même direction, qui disent les mêmes choses, moi, je serais très surpris là, qu'on n'en arrive pas à une entente d'ici même la fin de l'année 2018. Là. OK. Benoît, on va parler un petit peu du côté de l'Académie. T'as amené un bon point. Tu vois où l'Académie? Parce que quelque part, c'est quand même avec la MLS qui est en pleine expansion. Est-ce que tu penses que l'Académie de continuer à fournir des joueurs, c'est vraiment la solution? Ben, c'est supposé être ça dépend des philosophies d'équipe, mais quand tu regardes les différents clubs de la MLS, il y en a qui prônent par la relève, les jeunes qu'ils ont formés au club. Ça doit être un mélange avec de vétérans, de joueurs européens aussi, mais je crois que le marché montréalais a besoin de joueurs européens qui vont venir peut-être remplir les gradins aussi. Les billets de saison, ça va bien avec le marché montréalais, mais écoute, c'est embêtant, hein, tout ça, là. Puis on veut avoir une équipe compétitive aussi. Est-ce que le joueur est prêt à évoluer en D1? On regarde un peu Chouanière. On l'a vu la semaine dernière, ce que Garde a fait là, d'embarquer Chouanière au lieu d'y aller avec Mancosu, son choix de fin de match. Écoute, il y a des clubs qui vont préconiser la relève avec leurs jeunes. Et on regarde le Red Bull, je pense que c'est un peu ça qu'ils travaillent depuis cette année. Et regarde le classement qu'ils ont terminé. Je sais pas si M. Jérémy va sûrement renchérir là-dessus. Là. Mais moi, Philo, je voulais t'amener avec sur les dépisteurs. Tu nous as appris, il y a à peu près deux, trois semaines, quand Joe Septa a fait sa sortie, tu nous as parlé au 98.5, je savais même pas ça, l'impact même pas de dépistage. C'est incroyable. On est dans une équipe, on est dans une ligue professionnelle majeure, pas de dépistage. Ouais. Comment veux-tu que ce club-là avance? Moi, je vais vous rappeler une anecdote. Lorsque l'impact a annoncé qu'il s'en allait dans la MLS, je me souviens d'avoir fait une entrevue justement avec Joey Saputo. Puis là, je lui ai dit, est-ce que vous allez avoir une équipe de dépisteurs? Il m'avait dit non. Là, je lui ai dit, ben voyons donc, c'est impossible. Il m'avait dit non, on a des gars à l'interne et tout ça. Puis en fait, la façon dont l'impact travaillait, là, je vais vous l'expliquer. OK? Nick DeSantis avait, il a ses contacts en Europe, en Amérique du Sud, un peu partout, en Amérique centrale. Et là, ben, ce qu'il fait, c'est qu'à un moment donné, il dit, bon, ben moi, là, j'ai besoin d'un milieu de terrain récupérateur. Fait que là, il appelle ses contacts puis il dit, j'ai besoin d'un milieu de terrain récupérateur de, mettons, à peu près une trentaine d'années. J'ai 500 000 à mettre. Qu'est-ce que tu es capable de me trouver? Fait que là, ces gars-là faisaient des recherches, lui proposaient certains noms. Ensuite de ça, lui, il allait voir les joueurs. Si ça l'intéressait, ben il essayait de négocier avec. Si ça l'intéressait pas, il pensait à d'autres choses. Mais on s'entend, ces intermédiaires-là sont là pour une chose. Ils sont là pour aller chercher leur cote, leur pourcentage. Ouais. Donc, c'est des vendeurs de chars usagés un peu, là, comprenez-vous? Ils vont te montrer une vidéo sur YouTube, c'est juste les beaux moments du joueur, les plus beaux moments de sa carrière. Donc, ça prend des dépisteurs. Là, on nous a appris qu'entre Bologne et l'Impact, on a formé un groupe de 7 dépisteurs qui vont se promener un peu partout sur la planète et eux vont pouvoir avoir vraiment des analyses complètes sur certains joueurs. Ça, c'est... Écoute, je peux même pas croire qu'on a passé toutes ces années-là sans avoir de dépisteurs. C'est complètement ridicule. Mais au moins, à ce niveau-là, il semble qu'on ait amélioré les choses. C'est quand même... Ça, c'est important. Quand on regarde ça, pas d'équipe de dépisteurs, c'est quand même très bon, le résultat de l'impact en MLS depuis qu'ils sont arrivés avec pas de dépisteurs. Qu'est-ce qui se passe de tout ça, là? Les gens chialent, mais regardez comme... On va prendre l'exemple de cette année, là. Les joueurs qui sont arrivés. Rod Fanny, ça a été un succès. Zachary Sagna, ça a été un succès. Alejandro Silva, ça a pris un petit bout de temps, mais ça a été un succès. Ça fait un side air. Ça a été un succès. Là, tu as des succès un peu plus mitigés. Camacho, mitigé. Vargas, mais c'est-tu des dépisteurs, ça? Ben... Ouais, c'est-tu des dépisteurs? C'est-tu des dépisteurs? Ben, c'est les contacts à Rémi Garde. Et c'est les contacts à Rémi, c'est les contacts à Nick DeSantis et tout ça. Même les gars que Braz est allé chercher, Raitala, il a fait la job. Azira, dans les circonstances, il a fait la job. Fait que c'est pas tout un c'est pas des échecs sur toute la ligne. Là. Ils ont quand même réalisé certains bons coups. Là. Peut-être le mauvais coup, c'est Bernardello, qui était peut-être pas fait pour la MLS. Parce que c'est un point. Oui, mais là, je parlais des acquis. Ouais, mais c'est un joueur de cette année. Mais dans l'ensemble, quand tu regardes tout ça, là. C'est ah, ben Bernard Dalot, c'est sûr que ça n'a pas été un succès. Ça n'a pas fonctionné avec l'Impact. Puis en plus, il est revenu deux fois, ouais. Puis à chaque fois, ouais, ça ne s'est pas avéré un succès, malheureusement. Là. Hey, Philo, puis je vais parler avec Benoît aussi. Philo, je veux te parler aussi de Joey Saputo. Est-ce que, ouais. Dans la MLS, est-ce que sa sortie était un petit peu un gars qui se lamentait pour rien? Parce que oui, c'est vrai qu'il investit beaucoup, mais quand tu regardes le prix de la franchise à MLS qui est en pleine expansion, à quelque part, si ouais. jamais il déciderait de vendre, il y a une maudite belle valeur, son prix. Là. Faut en prendre. Ouais, ben écoutez, avec l'argent qu'il a investi et le retour qu'il pourrait obtenir selon la valeur de Forbes, là, qui est à peu près 175 millions, il arriverait à peu près quelque chose. Mais à un moment donné, il faut aussi que. Puis il l'a même dit, regarde, si on ne fait pas d'argent, c'est pas grave, mais on ne veut pas perdre entre 10 et 12 millions par année. Puis à ce niveau-là, je le comprends. T'sais, il faut que ça revienne un petit peu. Mais vous avez parlé tout à l'heure un peu de la gestion du personnel. L'Impact cette année avait la 7e plus haute masse salariale et c'est pas justifié parce que le club n'a pas fait les séries éliminatoires. On parlait tout à l'heure de l'Académie. T'sais, il faut rééquilibrer cet alignement-là. Tu viens de te débarrasser d'un gars comme Carl Fisher qui gagnait 50 000, qui avait démontré un très beau potentiel avant sa blessure en 2017. Ça, c'est le genre de gars que tu aurais pu avoir dans ton club pendant 2, 3, 4 ans. Ça ferait coûter des peanuts. On a décidé d'abandonner là-dessus. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas avoir un club formé juste avec des joueurs internationaux parce que ça coûte trop cher. Donc, il y a moyen de restabiliser un peu la masse salariale et de continuer d'avoir un club compétitif, selon moi. Et les gens qui ont paniqué en se disant que ah, ben là, on augmente les prix des billets, hey, la moyenne du prix du billet passe de 30 à 32 $. Voilà. Ça veut dire que tu as encore des billets à 18 et à 20 $ dans certaines sections, ça demeure encore extrêmement abordable. Ce que j'ai remarqué ici, c'est que la majorité des abonnés de saison ont fini par se trouver un banc quelques rangées à droite ou à gauche, plus bas ou plus haut, pour sensiblement le même prix. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Benoît, là-dessus, toi, t'as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Ben, écoute, l'augmentation des billets, c'est une pièce ou deux, pas plus que ça. Je veux dire, pourquoi que les médias en ont fait un gros plat comme ça? Je veux dire, ça a fait les manchettes à un moment donné, même si dans la région, on a entendu parler aussi. L'Impact augmente son prix de billets, mais ouais, c'est des pinottes. Il aurait dû nous laisser tranquille avec ça. Moi, j'aimerais bien parler, mais je veux dire, de parler de la Coupe MLS, Danny, de s'enligner vers ça un peu, parler ouais, avec Jérémy. Peut-être en terminant, Jérémy, Si son poste de radio, à un moment donné, vise à avoir une émission de ligne ouverte, moi, je trouve ça beaucoup. Benoît l'a sur le cœur un peu. Il aimerait ça avoir une ligne ouverte de soccer. Ou ça manque, là. Écoute, c'est l'œuf et la poule, hein. Malheureusement, là, c'est ça la situation. C'est que les codes d'écoute, quand on compare, par exemple, aux Canadiens, on est dans deux stratosphères complètement différentes. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est que ton produit, si tu veux que les gens embarquent, il faut que tu l'alimentes. Le soccer, le sport, c'est comme un roman savon. Il faut que tu racontes à tous les jours les péripéties pour que les gens embarquent et se disent, moi, j'ai le goût de revenir demain pour savoir qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est sûr que dans la majorité des cas, des médias traditionnels, on raconte en l'espace de 2 minutes ce qui s'est passé à l'entraînement, puis on passe à d'autres choses, c'est pas suffisant. Je te dis pas qu'il faut que ce soit maladif comme le Canadien où on analyse et on analyse et on analyse le quatrième trio, puis le gars qui est laissé de côté. Puis quand il n'y a pas de nouvelles, Jérémy, quand il n'y a pas de nouvelles, on invente un scénario puis on analyse ce qu'on a inventé. si je vous disais combien de fois je suis allé couvrir des pratiques du Canadien puis je suis revenu au bureau en disant, ben, il n'y a pas vraiment d'histoire aujourd'hui, puis ils m'ont dit, ben, invente quelque chose, tu sais. moi, tant qu'à inventer quelque chose, j'aime mieux parler de sujets où il y a vraiment une histoire, mais ça, c'est juste moi. Oui, l'Impact, mais comme, moi, j'ai posé la question à Olivier Brett sur Facebook. Il m'a répondu. Il dit, tous les soirs à 19h, il dit, mais je veux dire, Olivier, parle beaucoup, il fait son émission, ça dure une demi-heure, c'est très intéressant, j'enlève pas ça, là, j'enlève pas de crédit, c'est très bon, mais c'est un monologue de 30 minutes, mais je lui demande pourquoi vous ouvrez pas un peu, une heure, un peu plus, puis à un moment donné, le 91.9, qui est l'autre radio sportive, il m'a répondu, ben, on a essayé, ça n'a pas levé. Mais oui, mais je veux dire, il faut pousser un peu. Il faut peut-être devancer plus qu'un impact, le football. Puis les gens aiment aussi parler un peu de ce qui se passe en Europe, des clubs anglais, puis tout ça. Mais mélanger tout ça tranquillement, pas vite. Puis peut-être au fond d'une heure par semaine, Mais la réalité, c'est que, tu sais, moi, je connais bien Olivier Brest. Tu sais, il me l'a répété à plusieurs reprises. On ouvre les lignes, les gens n'appellent pas. Fait qu'à un moment donné, il explique par lui-même. Puis, moi, je pense que de plus en plus, si vous vous rendez compte, il y a de plus en plus de podcasts sur Internet. Il y a des émissions consacrées à l'impact. C'est pas dans les médias traditionnels, mais pour les gens qui sont vraiment des amateurs puis qui veulent entendre d'autres choses. C'est ça, exactement. Les gens s'abonnent à des podcasts. Ouais. Et puis moi, je vous dis. Les gens suivent ça. Regarde-moi ça. Tout va bien. J'ai des petites chroniques régionales l'année prochaine. Ouais. Et si tout va bien l'année prochaine et que les matchs de l'Impact reviennent au 98.5, on a l'intention de revenir avec un podcast parce que ça avait été très populaire lorsqu'on l'avait fait durant la saison. Vos après-matchs sont très intéressants. Les après-matchs que vous mettez sur Facebook, toi, puis Arcadio, c'est très, très intéressant. Très intéressant à suivre. En terminant, ça en prend plus. Jérémy, en terminant, tu dirais, je sais que t'aimes le soccer européen. On dit souvent qu'à Montréal et avec les Yankees, parce que je sais que t'aimes le baseball, c'est très difficile de diriger dans ces deux marchés-là. Mais t'as-tu vu passer cette semaine la nouvelle que le Real Madrid a congédié son entraîneur et c'est le 15e entraîneur en 15 ans qui va être à Madrid. C'est incroyable. c'est incroyable. J'apprécie pas ça. Honnêtement, là, quand t'embauches un entraîneur, tu sais, comme Rémi Garde, je suis pas d'accord à 100% avec ce qu'il fait et de la manière qu'il le fait, mais bon sens, ça prend de la stabilité. À un certain moment donné, les joueurs nous répètent année après année à quel point c'est difficile de s'adapter à un nouvel entraîneur. Moi, je crois en la stabilité. C'est sûr qu'à un moment donné, des fois, ça prend des changements. Mais si on prend l'exemple de l'Impact, là, qui a changé souvent d'entraîneur chef depuis son arrivée en MLS, moi, je pense que si Rémi Garde devait rester 4-5 ans, ça ne ferait que du bien à cette organisation-là. Mais encore là, ça, c'est juste mon opinion. Philo, très intéressant. On t'écoute toujours au 98.5. T'es très actif également sur Twitter. Donc, je te suis beaucoup sur Twitter. Puis on va avoir le plaisir de se reparler. Hey, Danny, je vais te demander à Jérémy Philo, 98.5.